Morsay 30 la galère. ZRF, Sefta mon frère. Écoute ce morceau, on va représenter pour tous les mecs des quartiers. Écoute ça, frère. J'nique les skins en quantité, j'viens représenter pour mes frères du 9-5 en pouleté. Le 5-9, la quantité, nique les Boulogne Boys qui ont mis la banderole cette année. On vient représenter pour tous les quartiers. Morsay 30, la galère, viens, tu nous connais. A Clicli, on bigrame nos CD. Un déco fils de pute, on va les lyncher. 2008, t'inquiète pas, on vient exploser. Skyrock, viens nous sucer. Index Génération, viens nous sucer. Même M6, viens nous sucer. Mais arrêtez, 30 la galère, viens vous baisser. Demande à CRF, Yoni, Septa, j'viens tout baiser. J'viens tout baiser, j'viens tout baiser. Et même Poupa, j'vais le baiser. On n'aime pas ceux qui sucent les Américains. Même 50 Cent, c'est qu'une grosse catin. Hey, dédicace au 9-5 et au 59. Ah, 9-5-5-9, le même combat. Viens représenter les mecs d'en bas. Son hardcore qui te tue, façon tech pour les vrais de la rue. 9-5-5-9, le même combat. Viens représenter les mecs d'en bas. Son hardcore qui te tue, façon tech pour les vrais de la rue. Ma fille, je la résume avec une plume qui reflète le bitume. C'est truand de la galère, rien à foutre de vouloir toucher la lune. Nous, on aime que la fume, les putes et la thune. Même avec des lacunes, on avance de l'avant tout en évitant qu'on recule. Nique les bâtards, les jaloux, les attailles, les balances, les envieux, les haineux, les rageux. Tous les suceurs qui bouffent tes queues, appelle-moi ZF, celui qui représente Sefta, Morsay et tous les rebelles. Quand t'écoutes du truand de la lerga, sors le 5 la bête ou le Jack Daniel. 9-9-5 5-5-5-9. La placette jusqu'au heart de piste. On piture tous les condés en enculant ta télé de piste. Je l'ai déjà dit, on aime que le bis et les chiffres. Truand de la galère, poteau 9-5. Hey, c'est pour les frères du 59, on représente frère. 9-5-5-9, le même combat. Viens représenter les mecs d'en bas. Son hardcore qui te tue, façon tech pour les vrais de la rue. 9-5-5-9, le même combat. Viens représenter les mecs d'en bas. Son hardcore qui te tue, façon tech pour les vrais de la rue. Heure de bise, mon cartel, des arabes et des noirs. On veut de la monnaie et aussi on veut la guarza. Morsay, truand de la galère. 5-9-9-5, on vient déclarer la guerre. Comme Bush a fait aux Irakiens. Casse des dios, putain de gros voleur de sac à main. Assez de 5, c'est mon blog, big up à mes négros. Nous on vend de la beurre et toujours en gros. C'est Zivta le mec qui blague pas face aux ennemis. Y'a que quand je fais un max de thunes, je suis Hemi, je représente l'île. Toutes les villes qui nous aiment. Un gros doigt dans le cul à ceux qui foutent la haine. J'en place une acérum pour ce qu'a pays de Zef. Big up au vrai bonhomme, ceux qui parlent jamais dans Zef. Nam V, Calestro, Momo et Chameau. Tous les petits refrains et mon frère au cachot. Nique sa mère les skins qui insultent le Nord. Nous on aime les VR6, les CR et les Raptors. Mon Shab Zaf et moi ça équipé. J'fume mes gros joints à gaffe avec mes équipiers. On se laisse pousser la barbe comme des talibans. Tu sais ce que j'fais le soir, j'fume des joints soit bon. Handtake si t'es shop avec des rangers. Tu fais le fou comme si t'étais un Power Ranger. Lèche mes couronnes si t'es pas Cotton Man. T'es ni Bruce Lee, ni cet enculé Superman. Pas besoin d'un gros gamos pour serrer une tasse. Tu parles mal sur ma gueule, viens me le dire en face. On veut s'envoler mais manque de bol, pas d'aile. Je représente L-I-double-Z-L. Le même combat, viens représenter les mecs d'en bas. Son hardcore qui te tue, façon tech pour les vrais de la rue. 9-5-5-9, le même combat, viens représenter les mecs d'en bas. Son hardcore qui te tue, façon tech pour les vrais de la rue. Ok, dédicace au 59, et à toutes les banlieues. Eh, unissez-nous pour tous, eh, comme ça on nique tous les skis, ces fils de pute. Nique le Front National, eh, dédicace à tout le monde, écoute ça. Ouais, Kali, Chameau, ouais, moi, Tony, ouais, Zaf, Morsay, eh, Kenny sous les barreaux, mon frère. Ah, eh, nique les skins qui ont mis la banderole, ces fils de pute. Eh, le combat il est encore là pour tous les frères de banlieue. Eh, faut s'unir, eh, pour niquer les skins, faut être tous ensemble, on va tous les baiser. 2008, on va les baiser. 2008, on va les baiser. Nique les skins en quantité. Ah.